couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet, vous y êtes bien, restez-y. Quel plaisir pour moi de les recevoir à nouveau 7 ans après ma première interview. Ce sont les Snapboarders, ils font du rock alternatif, ils viennent de Nancy et de Metz, du pur local. Ils ont sorti en 2016 leur premier album Alternative Current Box, qui leur a permis entre autres de sillonner les scènes avec des groupes comme Tagada Jones et Hellstorm. D'ailleurs, pour la petite info, j'ai une photo avec le chanteur de Hellstorm, mais vous vous en foutez. Nous sommes avec les Snapboarders pour présenter leur nouvel EP qui s'intitule Icons, et je suis en bonne compagnie avec TT Snap, Franck le chanteur au dread. Salut. Salut. Salut. Et nous sommes avec Olivier, c'est Yéyé son surnom, ouais. Guitar lead et chœur. Ça va les gars ? Exactement, salut. Ouais, ça va très très bien. Quelle aventure mes amis depuis la première fois que je vous ai rencontré. Un groupe qui a été fondé en 2012 et en 2021. Après toutes ces péripéties, vous êtes toujours là avec un nouvel EP dans la veine rock alternatif. Alors moi j'aime bien définir les termes du sujet. Imaginez, on est en classe de 5e, on est en train de faire une disserte. Qu'est-ce que le rock et pourquoi c'est alternatif ? Qu'est-ce que l'essence de Snapboarder ? Ah, ça, j'adore ta question, ça c'est bien intéressant. Ok, qu'est-ce que c'est le rock ? Le rock, c'est un état d'esprit, je pense. Hein. C'est, on est là pour envoyer, on est là pour s'éclater, ça se sent. Et c'est pas pour autant qu'on fait n'importe quoi, parce que on aime bien faire les choses. Hein. Et alternatif, moi, ma version, hein, Franck, il pourra dire ce qu'il veut, hein. Moi, ma version, c'est on souffle le chaud et le froid, on fait du mélancolique, on fait de l'énergique. On fait de l'épique, on fait du marrant, enfin on fait du groove, etc., etc., etc. Donc Snapboarder, c'est un peu la frontière, donc plus alternatif, ça va bien ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Franck ? Exactement. Donc Olivier. Moi, j'en pense la même chose. J'en pense clairement la même chose. On se situe pas, dans le rock des années 70. On ne se situe pas non plus dans le rock punk ou des choses comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va puiser nos influences un peu partout. Et c'est ce qui peut nous permettre d'avoir cette étiquette d'alternative, c'est-à-dire qu'on peut faire du calme, comme du énergique, comme du saturé, comme ce que tu viens de dire, Olivier, en fait. La même chose. On ne va pas se bloquer dans un genre spécial, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, vous avez Kevin qui est à la basse au clavier. Et il y a du clavier. Et ça, c'est plutôt cool dans un groupe de rock. Je trouve que ça manque un peu aujourd'hui, le clavier. C'est quand même plutôt sympa. Bah, on s'y met tout doucement. Et puis avec l'arrivée de Kevin, c'est possible. Et puis on s'y met tout doucement. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de choses. C'était pas prévu à la base. Et finalement, il est hyper à l'aise avec ça. Donc, il nous attend. C'est lui qui est parti chercher à manger. Interview pour Fadjet Radio. Qui est plutôt sympa. du coup, c'est bien. On avance, on évolue. Et du coup, ça fait évoluer aussi le visage de Snapboarder. C'est bien. Kevin à la basse et au clavier, Eddie à la guitare rythmique pour citer ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, et Christophe à la batterie, donc Franck toi au chant et Olivier guitare lead. Alors guitare lead pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui claque les solos. Je sais, c'est très réducteur, hein, mais on ah, si, c'est plus lead que solo d'ailleurs. Si, on est plus dans la mélodie. c'est la guitare mélodique. Icons, on va pouvoir écouter tout de suite le premier titre que je vais vous demander de me présenter. Le premier titre qu'on va écoutez, c'est un titre qui s'intitule Dancing with the Sharks. Donc, on danse avec les requins. Moi, je sais qui sont ces requins car j'ai fait mes devoirs. J'ai lu votre dossier de presse, mais j'ai envie de vous l'entendre dire qui sont ces requins. Vas-y. Vas-y. Qui sont ces requins ? Vas-y. Enfin, les gens qui nous entourent, on va dire, qui essaient de puiser toute notre énergie, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, et qui s'amusent un peu à jouer avec nous. Et puis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, souvent, ils sont un petit peu... Je pense que finalement, tout le monde peut s'identifier à ça. C'est des gens qu'on a rencontrés, qui sont sympas, et puis en fait, on se rend compte que... ils se servent beaucoup de nous finalement, et puis à la fin ils sont vraiment sympas, et puis on se fait rouler quoi, tu vois, et on a partout, c'est les requins. Si tu veux survivre, il vaut mieux apprendre à danser. Est-ce que je suis un requin? Apprendre. Ouais, au même titre que tout le monde. Ouais. Au même titre que tout le monde, parce que chaque personne fait ça, et il y a des gens qui sont des gentils requins, inoffensifs, et il y en a d'autres, comme vient de dire Yéyé, ils savent bien mordre. Et je dirais que la phrase de ce titre est justement « Mordons les premiers », comme ça on ne sera pas coincés. Mordons les premiers. mordons les premiers et on va mordre votre musique, on va la dévorer avec Dancing with the Sharks tout de suite. Couleur locale, on est avec les Snapboarders. Sharks, danse avec les requins, issu du dernier EP Icons des Snapboarders. On va donner quelques noms quand même de personnes qui ont participé à cet EP, si vous le voulez bien. On a Simon Muller de FH Studio à l'enregistrement. Anthony Chauniard, toujours de CHS Prod, au mixage mastering. On a Maxime Keller de CHS Prod à la production vocale et qui est d'ailleurs en featuring sur le titre Evolution. C'est un jeu de mots entre evil, méchant, et évolution, c'est ça? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, plutôt entre evil et emotion. Émotion et mauvaise intention, on va dire. Ça paraît plus logique, excusez-moi. Et enfin, nous avons Matt Welch à la refonte visuelle. Alors, c'est sympa, j'ai déjà partagé le logo sur la page Facebook. C'est vachement cool. Et lui, il fait partie de Walshy Sleeps, c'est ça? C'est ça. Ouais. Un groupe plutôt connu. C'est une pointure internationale. Hein. Du coup, c'est un peu un coup de bol qu'on a eu. Il fait partie un peu de nos héros actuels de la musique. Et puis, il proposait de faire un peu de graphisme. Je l'ai contacté, il m'a dit « Ok ». Donc, on a tous comment bon, bah, on y va. Tu es sûr? Coup, là, de... C'est quand même assez sympa, après 9 ans d'existence, un album et un nouvel EP, de commencer à avoir ce type de rayonnement. Vous prenez pas la grosse tête, j'imagine, j'espère, en tout cas. On se détend. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis, on n'est pas vraiment de ce genre-là, du côté de Snap. Vous n'êtes pas de... Ouais, c'est décontracte, hein, ça se sent, là, il y a de la décontraction. Alors moi, ce que j'aime bien demander aux groupes, c'est leur processus créatif, et notamment des groupes comme vous, qui traitaient quand même des sujets assez, assez profonds, hein, les icônes, la société, les requins, comment on fait en étant seul et en étant soumis à toutes ces influences-là. Donc vous traitez quand même des sujets, hein, c'est pas du rock de garage avec des sujets bidons, on est quand même sur de la création. Qu'est-ce qui vient en premier chez les Snap? Est-ce que vous choisissez des thèmes et après vous trouvez des riffs qui vont bien de la musique, ou est-ce que c'est plus la musique qui vient avant? Comment Snap Border crée son EP? Je vais commencer. Snap Border, je dirais au départ, ce qui va se passer, c'est que Yéyé qui est là, hein, va mettre en place tout un squelette de musique. D'accord. Et on va aller chercher tout de suite en fait ce qui nous plaît. C'est-à-dire que c'est la comment je pourrais dire, on va aller chercher soit du dynamisme dans une musique, soit un peu de mélodie, soit telle chanson qui nous rappelle telle chose, et on va essayer de construire avec ça. C'est-à-dire, pour un peu plus m'expliquer, je veux dire, on va prendre telle chanson, dans telle chanson, on va se dire, putain, ils ont un refrain qui est d'enfer. On va pas faire un copier-coller de ce refrain, loin de là. Mais on a un refrain qui est d'enfer, et ben cette énergie qu'on ressent là-dedans, et ben il faut qu'on l'ait dans telle musique. À partir de là, lui, il va faire des propositions, un squelette, hein, il va faire certaines propositions qui vont mixer avec Eddie, non pas mixer en termes de son, mais en mélange, mm-hmm. qui vont mélanger avec d'autres choses, avec Eddie, et puis il va faire sa proposition de squelette, hein, tout simplement. Et on vient, nous, après, se greffer par-dessus. Une fois que j'ai dit ça, Yéyé, tu peux en rajouter encore. C'est marrant, parce que c'est ce que je voulais dire, mais c'est raconté pas par moi, voilà. C'est presque plus sympa. Ouais, c'est ça. En fait, l'exemple, il est assez probant sur l'Opéra Icons, par exemple, ce sont les chœurs d'intro du morceau Unscape, le cinquième titre. Voilà, on a écrit ce morceau, on s'est dit, ouah, on sait pas encore où on veut aller, mais on veut que ça commence avec du chant, on veut tous chanter en même temps, on veut que ça fasse un espèce de truc de communauté là, qui claque. Et par exemple, là, on est parti, fédérateur. On est parti de ce concept-là et on a écrit derrière. Ça, c'est une possibilité. Sinon, des fois, ouais, c'est des trucs de guitare. Souvent, ça, la guitare fait le squelette. Donc, la musique, finalement, l'ambiance musicale, la création précède ce que vous allez raconter, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux bien, quand Yéyé va composer, il a en idée, si tu veux bien, par exemple, sur tel couplet, d'avoir quelque chose qui va sonner comme ça sur ce couplet et qui va peut-être être chanté comme ça sur ce refrain. Et en fait, on va échanger avec ça. C'est pas lui qui fait son squelette, moi je vais faire mon chant sur son squelette. Non, on va parler de ce squelette tous ensemble avec le batteur, le bassiste pendant un long moment. Et une fois qu'on a parlé de ce squelette-là, on sait que sur le couplet, on va s'orienter vers ça. Sur le refrain, on va s'orienter vers ça. Et moi, je vais écrire aussi avec ces petites contraintes-là, si tu veux, en disant de toute façon, il faut que mon refrain, il fasse peut-être que 4 mots, mais ces 4 mots vont être sur la longueur du refrain. Ou alors, une seule phrase par mesure pour que ça tabasse, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, même si les guitares sont très devant, pourtant, le chanteur se met en retrait pour faire un couplet cool, enfin un peu plus mélodieux, et ainsi de suite. Tu vois, on va avoir des tas d'échanges comme ça. Et puis, on va faire des pré-prod et puis on va passer tout à la moulinette après pendant un paquet de temps, quoi. Rock alternatif, c'est quand même assez large. J'imagine qu'avec un groupe de votre composition, il y a des influences diverses et variées. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qu'on retrouve dans Snap Border pour donner envie aux auditeurs de continuer à vous écouter? Des groupes, je ne sais pas, les Red Hot, par exemple. Je balance ça au hasard. Hein. Je dirais qu'on ressemble quand même à des groupes qui mettent beaucoup de distorsion dans leur musique. Mmh. Donc on est quand même proche dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, de la sphère métal quand même. Ouais, plus du métal. Des métal mélodiques. Hein. On parlait tout à l'heure du groupe Wash It Sleeps, c'est ouais. Beaucoup plus costaud que nous, mais il y a cette volonté pour eux de mélanger de la rythmique costaud, mais de la mélodie, que ça éclate et que ça donne... C'est un bon exemple. Après, comme tous les groupes de rock et de métal moderne, on est pas mal influencé par Bring Me the Horizon, qui est quand même un des groupes en ce moment qui mène la scène rock alternatif, métal alternatif, même pop alternatif d'ailleurs, ça dépend. Eux, c'est des leaders, clairement. On va pas oublier In Flames aussi. On peut leur tirer un. On peut leur dire que, ouais, ils nous influencent aussi, puisqu'il y a certaines petites ritournelles de guitare qui peuvent y faire clairement penser. Bring me the horizon in flames while she sleeps. Effectivement, on est plus du côté métal de la force, mais je sais qu'on a des auditeurs qui aiment ça. On est avec les snowboarders dans Couleur Locale. Il y a plein de réalisations dont on va parler. Et aussi après l'écoute de ce deuxième titre qui est Newsfeed Icons. De quoi ça parle? D'ailleurs, il y a le titre de votre EP. Il y a Icons dans le titre de cette chanson, presque éponyme. Oui, c'est vrai. De quoi ça parle? Ouais, c'est presque ça. Cette chanson-là, la petite histoire autour de la mélodie principale de ce titre, c'est qu'en fait, on l'avait dans nos valises depuis 4 à 5 années presque, sans exagérer. Hein, ça fait vraiment longtemps qu'on veut sortir ce truc, on n'a jamais réussi. Et puis là, on s'est dit, bon, allez, on sort quelque chose, on y va, et ça nous plaît vraiment, donc on va faire quelque chose. Là, je parle de la partie mélodique. Sur le titre, en fait, hein, c'est pas compliqué. On parle pas mal de notre rapport aux médias en général. Loin d'avoir une idée de jugement, c'est plutôt un constat que finalement, on est abreuvé. Si on s'arrête quelques instants et qu'on regarde, on est abreuvé d'infos tout le temps, hein, sur nos smartphones, à la télé, dans les médias, etc., etc. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais ça veut dire qu'on en a tellement. On a une espèce de boulimie dans le sens où on en absorbe beaucoup, mais on revomit parce qu'on en a trop, on n'en peut plus. Mais finalement, on aime ça et on va quand même rechercher cette info et on en a besoin. C'est presque addictif. Et on a vraiment un rapport dans notre société qui est très spécial par rapport aux médias et c'est ce qu'on voulait souligner. On le voit d'ailleurs dans le clip qui est sorti avec. Je vais rajouter aussi qu'en fait, les médias, même si on en a déjà effectivement beaucoup trop, on est saturé par tout ce qu'on peut recevoir et ça nous suit partout, quoi. Ça nous suit sur nos téléphones, ça nous suit à la télé, ça nous suit sur les panneaux d'affichage, ça nous suit en fait dans la voiture. Enfin, alors, je veux dire, maintenant, on peut même à la limite ne plus vivre sans avoir à un moment un bout d'information, quel qu'il soit, même s'il est donné par une personne tierce, en fait. Et cette avalanche d'informations, on se doute aussi que dans tout ça, on ne pourra jamais forcément vérifier toutes les sources non plus. Et donc, il y a forcément du faux, il y a forcément du déformé. Et cette boulimie se déforme, et tout ce qui se déforme dans le ventre, souvent, tu as envie de le recracher, en fait, tout simplement. Chers auditeurs, on espère en tout cas que vous n'allez pas recracher ce qui se passe aujourd'hui dans Couleur Locale sur Fadjet 94.2 à Nancy. En tout cas, moi, je vous assure que c'est du vrai. Je suis avec les snowboarders Olivier et Franck, et on écoute Newsfeed Icon tout de suite. Sometimes I rip. From the new- Vous venez d'écouter New Feeds Icon, des Snapboarders, groupe de rock alternatif. Alors évidemment, hein, il y a l'album qu'on peut retrouver. Bah, d'ailleurs, où on peut l'acheter, cet album Icons? Partout. Non, en fait, sans rire. Alors, il n'est pas disponible en physique dans les magasins. Par contre, nous, on met des interfaces, tout simplement d'aller sur n'importe quel réseau social de Snapboarder. Mm-hmm. Sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est partout. Vous nous contactez. Et de toute façon, nous, on met toujours les liens du magasin. Donc, c'est toujours possible. Et on peut déjà dire qu'on est en train de mettre en place aussi un site internet. D'accord. Histoire de boucler un petit peu ça et d'avoir vraiment une façade visible. Donc, il ne faut pas hésiter. Et pour ceux qui ont des services également d'écoute en ligne, on est partout. Deezer, c'est pas compliqué. Vous tapez Snapboarder, vous mettez Deezer, le français, les concurrents américains. On a des vidéos, on a une chaîne YouTube partout. Mmh. C'est facile de nous trouver, vraiment. Vous tapez Snapboarder, vous tombez sur nous. La chaîne YouTube avec un clip qui a été réalisé en novembre 2019, Enscape. Donc, Enscape, il est sorti au mois de novembre. Et là, Enscape, il a 6 mois avant le confinement. Donc, on l'a tourné au mois de août. Voilà, c'est ça, c'était notre premier single qui devait suivre forcément à la suite de... Newsfeed devait suivre ce single dans la foulée. Mm-hmm. Et puis, il a été retardé forcément par la mise en place du confinement au mois de mars. Et ensuite voilà. Ce clip a été tourné chez Paulette. Chez Paulette. Un panier derrière Barine, à qui on fait un gros clin d'œil. Un gros clin d'œil, la fameuse, très fameuse salle de concert. Et ensuite, vous vous êtes retrouvé en septembre à l'autre canal pour pour l'autre... 1, 2, 3, je vais y arriver. L'autre clip de Newsfeed. Icons, j'ai lu dans votre dossier de presse, car je fais mes devoirs encore une fois, chers auditeurs, qu'il y avait une tournée qui serait potentiellement prévue en France et même à l'international. Ça donne envie quand même, ça. Ce serait où ça en est? Sans trop en révéler, parce que là, en fait, ça va vraiment dépendre de la situation, mais on prend des contacts avec un autre continent. Un autre continent du Sud et plutôt sur un continent qui serait de type américain. Mais les contacts sont pris, les devis sont faits, on travaille, on avance, on ne révèle pas tout non plus parce que d'accord. On préfère ne pas trop en dire et pas décevoir. On avance, on prévoit, en tout cas, on a de la suite dans les idées. Pour Snapboarder, vous pouvez compter sur nous. Dès qu'on pourra sortir et jouer, on se prépare. Et je pense que tous les groupes sont dans cette veine-là. Une petite dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, toutes ces périodes de confinement, même si ça empêche de jouer, ont permis de donner du temps pour la créativité et la création? Parce que j'ai beaucoup de groupes qui me l'ont dit, ça. Oui, forcément. Forcément, ça a donné du temps pour la créativité, la création, ça c'est sûr. Sans forcément penser aux dégâts que ça fait aussi. Bien sûr. Parce que c'est... On va clairement dire qu'il y a quand même certainement des dégâts qui arrivent et qui vont arriver encore. Et ça nous a prouvé ces jours-ci qu'il y en avait. Mais on peut dire forcément que ça a mis un peu plus de temps parce qu'on a un peu plus de mal à se voir, forcément. Mm-hmm. On se voit beaucoup, beaucoup moins. On est obligé de se cibler des moments en particulier. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est forcément oui. On a tous été collés chez nous, donc forcément, on avait de quoi regarder la télé et puis faire de la musique. Ouais. Faire de la musique et puis créer du lien aussi, car on va conclure cette émission avec une troisième musique qui a été faite en featuring avec un certain Maxime Keller qu'on a déjà cité, Evolutions. Il vient de quel groupe, lui? Le Max, il en a plein. Il fait que ça. C'est Tess, Deluge, No Seasons. Il est connu aussi parce que son groupe c'est Bors à la base. Il a fait plein de choses. On lui tire aussi notre chapeau parce que on adore travailler avec lui, on continue de travailler avec lui, on s'entend bien, ça marche bien et ça fait plaisir de l'avoir invité sur Icons et qu'il a accepté. C'est vraiment cool. Et donc on va écouter Evolutions, on va se laisser avec cette musique et moi je vais vous souhaiter un bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci à toi. Et puis on va se rajouter juste un tout petit mot. C'est un peu le cas pour tout le monde, mais dans les moments qui courent en ce moment, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'acheter justement nos albums et d'acheter du merch à fond. C'est ce qui peut nous permettre vraiment d'avancer. À l'image de l'Ulule qu'on a fait, si on n'avait pas eu les 100 contributeurs derrière nous, ça aurait été très dur, sincèrement. Donc allez-y, n'hésitez pas, regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas que nous qui existons, il y a plein d'autres groupes. Et les soutenir en achetant du merch, je crois que c'est ce qui est le mieux à l'heure d'aujourd'hui. Et ça va totalement avec l'esprit de couleur locale. Soutenez les groupes locaux sur Fadjet les samedis à 13h et dimanche à midi. Soutenez-les en achetant du merch et en les suivant sur notre belle région. Le podcast sera retrouvé sur mon Mixcloud et sur Fadjet.net dimanche à 14h, à la semaine prochaine pour un nouveau Couleur Locale sur Fadjet à Nancy. Thank you.